1986. La DEA Salvador ouvre un dossier sur Walter L. Gracheim, TG-87-0003. Son nom apparaît dans plusieurs dossiers de la DEA, de la CIA et des douanes américaines. Son fichier DEA se trouve aux archives nationales dans le dossier Iran-Contra à Washington, D.C. Bulky, numéro 2316. Voir aussi la transcription de la discussion top secrète déclassifiée au sujet de M. Gracheim, menée par le Bureau juridique indépendant en date du 3 janvier 1991. Le 1er septembre 1986, à environ 17 heures, j'ai reçu au Guatemala un coup de téléphone de Ramiro C. I. Guerra. Sujet, le raid sur la maison de Wally au Salvador. L'avion de Wally, N-246J. Le 1er septembre 1986, un groupement de la DEA a fouillé la résidence de Walter Gracheim, un civil, au Salvador. Un arsenal de munitions militaires américaines y fut trouvé, soi-disant destiné à être envoyé aux Contras. Des caisses d'explosifs C4, de grenades, de munitions, de fusils de précision et de fusils d'assaut M16, de casques hélicoptères et de couteaux. On y a aussi trouvé des archives de preuves de versement d'argent à des membres officiels de l'armée salvadorienne, comme des voyages à New York, ainsi que des radios et des plaques de voiture appartenant à l'ambassade des États-Unis. Nous y avons aussi trouvé un des M16 appartenant au colonel Steele, commandant du groupement militaire américain. Avant la perquisition, j'avais fait le tour des services de l'ambassade des États-Unis pour demander si cet individu, Gracheim, travaillait de quelque façon que ce soit avec l'ambassade. Et tous les chefs de service avaient nié, affirmant qu'il ne travaillait pas pour eux. On trouva aussi une livre de marijuana et des plants de cannabis poussant dans le jardin derrière la maison. Le 2 septembre 1986, j'ai quitté le Guatemala par le vol TACA Airlines de 7h30 pour le Salvador. Le 26 septembre 1986, rendez-vous avec le colonel Steele, sujet M. Gracheim, colonel Steele a admis avoir donné un M16 à Gracheim, et George W., CIA. Parlez aussi à Don Richardson, CIA, sujet Ramiro Guerra. Parlez au colonel Adamé, sujet CIA George. Le 3 octobre 1986, parlez à la DEA Panama, sujet M. Gracheim. On m'a conseillé la prudence. Le 15 octobre 1986, l'assistant du procureur Mark Richard, de la division criminelle du département de la justice, a témoigné devant la commission Kerry avoir assisté à une réunion avec 20-25 officiels et déclaré que la DEA ne voulait pas fournir les informations que la commission avait demandées à propos de l'implication des Contras dans le trafic de drogue. Le 21 octobre 1986, j'ai envoyé un téléx câble à Washington, D.C. sur les Contras. Le 22 octobre 1986, parlez à l'équipe Salvador, sujet Gracheim. Le 23 octobre 1986, HK-1960P Honduras, 1000 kilos de cocaïne, voire DEA-6 sur cette affaire. Le 29 octobre 1986, parlez au QG DEA John March des Contras et de Gracheim. Le 30 octobre 1986, parlez au général Blondon du Salvador, sujet M. Gracheim. Le 7 novembre 1986, parlez à John March, 202-786-43-56 et Azam, 633-10-49, domicile 301-262-10-07, Contras. Le 13 novembre 1986, rendez-vous avec l'ambassadeur Kaur à 14h au sujet de Gracheim. Il me dit « Alea Jacta Est ». Rendez-vous avec le lieutenant-colonel Adamé. Le 14 novembre 1986, rendez-vous avec le colonel salvadorien Villa Marona sur M. Gracheim. il m'a appris que l'ambassade américaine avait approuvé Gracheim, l'autorisant à travailler à Ilopango. Le 20 janvier 1987, Joel Brinkley, envoyé spécial du New York Times, sort son reportage « Les groupes militaires Contras donneraient dans le trafic de drogue ». Le troisième secret fait surface. Brinkley écrit « Des enquêteurs fédéraux des services antidrogue ont découvert des preuves à l'automne dernier qui montrent que des équipages aériens américains qui livraient secrètement des armes aux rebelles du Nicaragua rapportaient illégalement aux États-Unis de la cocaïne et d'autres drogues lors de leur voyage retour. Des membres officiels de l'administration déclarent aujourd'hui que lorsque l'équipe stationnée au Salvador a appris que la DEA enquêtait sur leurs activités, l'un d'entre eux a prévenu les agents qu'ils bénéficiaient de la protection de la Maison-Blanche. Le Times poursuit en citant les propos d'un officiel américain anonyme, d'après lequel cette déclaration, faite par un membre de l'équipe après que la DEA avait fouillé sa résidence à San Salvador, y cherchant de la drogue, avait fait beaucoup de vagues à Ilopango. Le 9 février 1987, je rencontre le colonel Adamé et Elmore. Sujet grosse dispute avec Lourdes Border, analyste renseignement au QG DEA. Il venait d'arriver au Guatemala pour partir en mission de collecte d'informations 2 jours au Salvador. Le 10 février 1987, rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis au Salvador, Cor. Sujet Lourdes Border, analyste renseignement au QG DEA. Et Doug, nom propre inconnu. Des bleus tous les deux. En 2 jours au Salvador, ils ont décidé que les Contras n'étaient pas impliqués dans le trafic de drogue. Le 27 février 1987, j'ai parlé à Mike Alston de la DEA Miami. Sujet, pilote Contras John Hall. La piste d'atterrissage au Costa Rica de Bruce Jones. Le Colombien Luis Rodriguez. Monsieur chasseur de crevettes de mer du Costa Rica jusqu'à Miami. Opération Contras de l'Amérique centrale vers les États-Unis. Le 3 mars 1987, rendez-vous avec Janice Elmore, CIA, de 21h à minuit. Le 30 mars 1987, j'ai invité Richard Rivera, agent des douanes américaines, à tenter de tracer l'origine des munitions et des armes retrouvées à la résidence de Monsieur Gracheim. On dit que le Pentagone a mis fin à la traque. Ils n'ont jamais réussi à remonter la piste de l'origine des objets. Le 1er avril 1987, Bob Stia, Walter Morales, le pilote, et moi, nous rendons au Salvador en avion. Rendez-vous avec 2 agents de la CIA qui nous informent que nous ne pouvons plus utiliser Murga, qui travaille maintenant pour eux. Les 7, 8 et 9 avril 1987, rendez-vous avec John March au Guatemala. Sujet, Contras et OPR. Le 27 septembre 1987, l'agent CIA Amérique centrale Randy Capister, le G2 militaire guatémaltèque et moi-même avons saisi plus de 2404 kilos de cocaïne en la possession de Carlos Ramirez Garcia de Paz, membre du Congrès du Guatemala et du cartel de Medellín. La plus grosse saisie de cocaïne jamais faite en Amérique centrale et l'une des 5 plus grosses saisies de l'histoire. Durant cette opération, plusieurs individus furent violés et assassinés. L'agent de la CIA et moi avons été témoins de leurs interrogatoires. Le membre du Congrès en question n'a jamais été arrêté ni inculpé. Le 22 octobre 1987, j'ai reçu un coup de fil d'Everett Johnson du QG DEA qui me demandait de ne pas clore les dossiers Contras parce qu'un comité quelconque demandait à les voir. Note, si votre dossier n'est pas clos, le Freedom of Information Act, équivalent de la loi informatique et liberté, ne vous donne pas le droit d'accès. Le 30 août 1988, reçu info par Guido Del Prado à l'ambassade des États-Unis du Salvador. Sujet, Carlos Armando Liemus Herrera, pilote Contra. Le 27 octobre 1988, reçu lettre de Bill, officier régional de la sécurité à l'ambassade au Salvador. Sujet, corruption de l'ambassadeur des États-Unis et de Del Prado. Le 3 décembre 1988, la DEA a saisi 356 kilos de cocaïne à Tiquisate, au Guatemala. DEA numéro TG89-0002, Hector Sanchez. Plusieurs Colombiens ont été tués dans cette opération approuvée par la CIA et la DEA. J'ai des photographies d'individus assassinés dans cette affaire. La cible en était Gregorio Valdez, une ressource CIA de la Guatemala Piper Corporation. À cette époque, toutes les opérations aériennes de la DEA et la CIA partaient de la Piper. Le 24 août 1989, à cause de renseignements que j'avais fournis, l'ambassade des États-Unis annulait le visa du lieutenant-colonel Hugo Francisco Moran Carranza, militaire guatémaltèque et chef de la section Interpol et corruption. Son dossier le décrivait comme un officiel du Guatemala corrompu et un trafiquant de drogue. Il se préparait à aller passer un an dans une université militaire américaine, US War College, invité par la CIA.